Bon, ben, aujourd'hui, dans les estrades avec Jean Petitfrère. Jean, bonjour. Bonjour. Écoute, on est présentement mardi. Vous avez joué une très grosse game contre Bishop dimanche passé. Parle-moi un peu de la partie. Ben, c'est une partie que, comme on était vraiment préparé pour eux, parce que Jamal Lee, c'est un gars qui a une très grosse moyenne cette saison. C'est un porteur de ballon très puissant. Il a beaucoup de vitesse. Puis il est capable de faire des plaqués. Donc, toute la semaine, on s'est pratiqué là, à rapper, comme à l'entourer, dans le fond, à mettre les mains autour, puis à driver avec les jambes, là, tout pour pas y faire gagner des verges, parce que lui, c'est souvent ses verges, c'est après plaqué qui est fait. Fait que tout le monde vient sur le plaqué, à un moment donné, oups, il y en a une coupe qui l'échappe, puis là, il est parti pour une coupe de verges. Fait qu'on a minimisé dans le fond, on a assuré nos plaqués dans le fond, là, puis dans le fond, tout a bien été. Là. Ça, on l'a maintenu en bas de 100 verges, c'était l'objectif, puis il a été atteint. Vous êtes fier de vous autres? Très fier, ah ouais, bien content. Même moi-même, pendant un jeu, là, il est venu du côté faible du terrain, du côté court, dans le fond. Puis là, il m'a donné un stiff arm, j'ai le temps d'enlever sa main, puis de pousser à l'extérieur. C'était deuxième écho. Puis là, ils ont dû dégager leur côté du terrain, donc ça... On était donc très content de la game. Quand tu as un running back de la qualité de Jamal Lee, évidemment, ben ça te permet aussi d'ouvrir un peu pour la passe. Comment est-ce que vous autres, les DB, les corners, vous êtes préparés pour justement contrer un peu cet effet attractif que Jamal Lee allait avoir sur la défensive? OK, ben nous, notre responsabilité première, c'est vraiment la passe. C'est demi-défensif, on s'est dit, OK, la passe. C'est plutôt plus les demi-insérés qui étaient plus les halfbacks. C'est eux qui étaient plus sur la course, man. Nous, parce qu'on a aussi Keith Godding, qui est un très bon receveur. Il y a aussi Monjour, numéro 9, un autre très bon receveur. Donc, puis Keith Godding, il a de la bonne vitesse aussi, là. Donc, c'est pour ça que je pouvais pas trop me mettre le nez en bas. Mais souvent, le langage du corps dit qu'est-ce que tu veux faire aussi, là. Parce que des fois, il partait, puis il était la tête en bas, puis... Tu voyais qu'il allait pour un tracé assez long. Donc, là, je regardais même pas dans le backfield, je partais avec lui, là. Et d'ailleurs, Mr. Goddings avait promis un peu d'avoir la peau de Laval. T'avais-tu entendu parler un peu de ce qu'il avait fait? Oh, très bien. Ah oh, oui, j'ai même enregistré le match chez moi. Ils jouaient contre Montréal. Puis là, okay, ils ont battu Montréal. Puis là, ils se prenaient pour que, en tout cas, ils ont eu une bonne game. Ils ont dominé, mais, je pense qu'ils étaient surconfiants. Puis là, j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait. Laval, anybody, you're next. OK, y a pas de problème. Nous, dans le fond, c'est ça. Ça nous a vraiment motivés encore plus. Nous, en tant que ça, des équipes qui veulent nous tester. Dans le fond, reste humble, puis amène-toi au défi. Mais moi, pour de vrai, là, j'étais avec lui. Toute la game, il m'a pompé. Il m'a vraiment pompé. Et même pendant cette game, à fin de semaine, il y a une grande bouche. Il parle. On s'est occupé de lui. Il y a une bonne petite game aussi, là, mais on s'est occupé de lui et de sa gang, à fond, les Gators. On lisait dans le soleil, justement, que tu disais un peu parfois baveux. Ou bien, t'es un chien, des fois. Quand t'es en danger, tu meurs. Oh, ça ouais. S'est-tu passé un peu avec Goddings? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Depuis le début, depuis le premier jeu, on a commencé à se bousculer. Puis c'était comme un play action roll-out. Il courait, le carrière courait du côté fort. Moi, je suis le côté court. Puis souvent, backside, qu'est-ce qu'ils font? C'est un pause. Fait que là, j'étais sur son pause. Puis là, déjà là, j'ai commencé à le pousser pendant son tracé. Normalement, je suis pas vraiment supposé de faire ça, mais... commencé à le bousculer un peu, puis là, on a commencé à se pousser, puis c'est là que, vraiment, là, c'était parti, là. Premier jeu, là, c'était parti, puis ben, c'est lui, pour de vrai, cette game-là, c'est lui, il ouvrait sa bouche, il arrêtait pas d'ouvrir sa bouche. Il parlait. Je parlais avec lui parce que moi, ça va pas me faire perdre mon focus, parler. Au contraire, ça m'enrage, puis ça me rentre dedans, puis je suis mieux. Hey, au fur et à mesure, ben, t'as commencé ta carrière universitaire à Sherbrooke. Oui. Tu t'es retrouvé à Laval. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Ben, ce qui m'a amené ici, dans le fond, parce que vu que Sherbrooke, c'est une première année, puis il n'y avait pas vraiment les effectifs pour me faire évoluer comme moi je le percevais. C'est pour ça que moi, après la saison là-bas, j'ai commencé à prendre contact avec ici. J'avais déjà des amis ici, là, Dwayne, des amis du Vieux-Montréal, Dwayne, Hivercule. Il y avait Paul Eddy Saint-Villian qui coachait ici aussi. Fait que, ben, dans le fond, il y a plus technicien, Paul Eddy. Puis c'est là que je me suis dit, il faut que je vienne là. Parce que j'ai entendu aussi parler que Max, c'est un très bon coach de demi-défensif. Puis très technique. Puis moi, je suis un gars de vitesse. OK, je fais de l'athlétisme avant. Mais côté technique, c'est sûr que j'avais beaucoup à améliorer. Donc, tu sais, j'ai trouvé que j'ai régressé un peu pour l'année que j'étais là-bas. Puis, donc, ça m'a vraiment dérangé. Fait c'est pour ça que là, j'ai plus contact, puis là, je suis venu ici, puis depuis là, ça va très bien. Puis t'es passé de receveur, t'as joint le Dark Side of the Force, t'es rendu à la défensive. Qu'est-ce qui t'a amené à joindre le côté sombre de la force? Mais à vrai dire, ça fait... Moi, je dirais depuis Bantam que ça... Parce que j'ai joué civil, moi, au football, à Saint-Honor, Cougar. Puis Bantam, ça me disait quelque chose. C'est parce qu'au début, j'avais pas vraiment des mains. Là, j'étais pas très bon pour taper les ballons. Ça fait souvent que mon corps, tu sais, j'étais vite, fait que je partais, tu sais, je brûlais des gars, tu sais. Donc, ça me trottait un peu dans la tête, tu sais. Je me suis dit, ah, ça me tente. Puis ça a jamais fonctionné jusqu'en 2001, au Vieux-Montréal. Ça a pas très bien été pour moi, là, vraiment pas, là. Puis, mentalement, je pense que ça m'a atteint à un certain point. Donc là, j'ai décidé de, pourquoi pas, je vais aller voir qu'est-ce que l'autre bord. Fait que nous, le vendredi, souvent au Vieux-Montréal, on fait des pratiques techniques. Puis ces pratiques-là, il y avait plusieurs joueurs des Alouettes qui venaient nous coacher. Donc, c'est là que j'ai commencé à découvrir j'ai commencé à développer ma passion dans le fond en défensive. Puis depuis, j'adore ça. Y'a-tu quelqu'un des Alouettes qui a été un peu ton modèle, disons un peu ton coach ou ton mentor? Mais il y avait Eric Fortin qui était venu aussi, mais il nous coachait, lui, c'est plus ce vendredi, mais chaque semaine, moi, je voyais souvent, sans fond, c'est Marc Santerre aussi qui m'expliquait un peu les zones. J'allais dans son bureau, puis il m'expliquait les zones, comment ça fonctionne. Puis il y a Paul Eddy Saint-Villien, que lui aussi, il était entraîneur des demi-défensifs cette année-là, puis il m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Puis c'est aussi le mentor aussi à Ludovic, aussi, numéro 2 de Sherbrooke aussi, là, il a passé par Paul Eddy aussi. C'est un gars, tu sais, assez minutieux aussi, puis qui fait attention aux détails. Donc c'est ça qui m'a intéressé de plus en plus à la position. Puis depuis, je suis encore là et j'adore ça. T'aimes ça mordre encore cette position-là? Ah oui, j'adore ça. Ah oui, oui, c'est fun. Non, parce que en défensive, ce que j'aime, c'est que tout le monde participe. Ben, c'est vrai qu'en défensive, tout le monde participe. Mais ce que je veux en défensive, c'est que si tu débarrasses bien ton bloc, des fois, tu peux aider l'autre à retourner à l'intérieur puis tu peux participer pour que, par exemple, le halfback ou le backer vienne faire un plaqué. Tout le monde a sa responsabilité. Tu fais ton 12e, puis tu te sens gratifié, là. Tu te sens gratifié. En offensive, moi, j'avais une perception que quand j'avais le ballon, c'est là que j'aidais, mais dans le fond, c'est vraiment pas ça. Mais c'est juste que j'avais cette impression-là, puis je voulais plus rester en offensive, donc je suis parti en défensive. Hey, on a une discussion sur notre forum de discussion dernièrement qui parlait des 10 plus belles victoires de Laval. Depuis que tu es ici, outre les Coupes Vanier, évidemment, parce que c'est toujours des victoires importantes, selon toi, ta victoire là, qui a été le plus sentie, sur laquelle tu étais vraiment très, très, très content, outre les Coupes Vanier, là, c'était laquelle? OK. Moi, je dirais, je peux dire qu'en fin de semaine, c'était une bonne victoire. Là. Malgré que c'était pas serré, mais c'était une victoire, c'était dominée, puis battre, puis descendre le moral de l'autre aussi, parce que c'est sûr qu'on va les revoir. Puis on sait bien qu'en série, là, c'est tout le monde s'est vu, tout le monde a une bonne idée de ce que tu fais, tes tendances, puis le style de joueur. Tu sais, c'est sûr que c'est plus serré les gains, mais moi, je dirais, en fin de semaine, puis en 2005, qu'on a joué contre Concordia ici. En 2005, ça, j'ai adoré. Oh oui, j'ai adoré. 18. Ouais, c'est du solide. Hein. Mais souvent avec Concordia là, et je sais pas quelles sont les carrières, mais souvent on les traumatise là, parce que les secondaires ils rentrent solides. Souvent ils rentrent solides, puis souvent Severt quand je jouais contre lui, ouais. Tu voyais ses yeux là, je me demandais s'il y avait une commotion parce que ses yeux étaient vraiment, on dirait qu'il y avait des baies dans les yeux tellement que c'était comme ça là. Tu vois qu'on est rentré dans sa tête, c'est ça qui est important. Tu sais, souvent c'est comme Mike Tyson, avant même de se battre avec quelqu'un. Il avait battu psychologiquement. Psychologiquement, si t'es pas là psychologiquement, tu sais, parce que souvent la tête peut faire plus que le corps. T'sais. Si ta tête n'est plus là, le corps va pas suivre. Là. Ça, c'est presque automatique. Hey, on parlait tantôt un peu de ton attitude sur le terrain. T'es-tu un gars qui est comme ça aussi dans la vie? Tu t'en laisseras pas imposer, puis. Je m'en laisse pas imposer, mais je suis pas aussi baveux dans la vie. La vie, tu sais, je suis un gars, j'essaie de respecter. C'est pas que quand je bavure, c'est pas que je manque de respect, mais souvent c'est l'esprit de compétition, puis cocky, c'est ça. J'aime ça parler puis rentrer dans sa tête. C'est si par exemple le serveur parfois qui coupe dans les jambes, parfois, tu sais, parce que moi, j'ai pas un gros gabarit, c'est pour ça que genre, parfois, je demande pourquoi tu veux me couper dans les jambes. Tu peux faire mieux que ça. Souvent, on fait ça souvent. Puis les gars, sont, ils me coupent dans les jambes puis ils sont fiers. Pourquoi tu es fier? Regarde-moi, 5 pieds 7, 170 livres. Si tu peux pas faire mieux, ça va pas bien. Hein? Tu me coupes dans les jambes puis tu me pognes quasiment à taille. Là. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est un petit peu... ça m'arrache, mais c'est pas grave. Hey, t'es quasiment rendu la gueule dans le vestiaire. Ah oui, en vestiaire, j'arrête pas de parler. Les gars, ben, ils sont habitués. Et t'es le plus vieux aussi? Oh, la gueule, okay, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, je pense que je suis le plus vieux. Mais ça n'a rien pas. Tu me vois aller des fois, là, les plus jeunes me regardent, puis ils se demandent c'est qui est plus jeune souvent. Là. Moi, j'ai vraiment le cœur jeune. Je suis un gars qui aime vraiment s'amuser, là. S'amuser pour avancer. C'est un peu ma mentalité. Mais trop s'amuser, des fois, ça fait mal. Comment tu joues ton rôle un peu de vieux bonhomme dans le vestiaire, à part essayer d'avoir l'air jeune à côté des kids, là? Ben, mon rôle, faut dire, je suis pas vraiment... Je suis un gars, je vais l'idée par l'exemple des fois, tu sais, mais je suis pas vraiment le gars qui plus à ses... Je suis pas vraiment le plus à ses affaires. C'est sûr, j'ai amené beaucoup d'améliorations sur ça, mais... Je suis pas du genre à taper sur les doigts des autres tant que ça. Ça dépend. Si ce moment-là, ça va te nuire, puis ça va nous nuire, t'sais, je vais t'avertir. Mais sinon, je suis pas vraiment le gars qui va te mettre à l'ordre, à moins que ça commence à déborder. Là. D'ailleurs, cette année aussi, dans l'équipe, on le remarque, vous êtes vraiment, en tout cas, de mon côté, vous êtes très discipliné. Par rapport aux autres années, où est-ce qu'on gagnait beaucoup, mais il y avait beaucoup de mauvaises punitions d'indiscipline. Avez-vous travaillé là-dessus depuis le début de l'année? On travaille beaucoup là-dessus, unité spéciale, offensive, défensive. On essaie vraiment de... Parce que ça fait mal. Parce que pour le fait de faire l'autre équipe avancer par des erreurs, ça fait vraiment mal. Là, souvent, là, tu vois que ta marge de manœuvre est raccourcie. Les coachs ont fait vraiment une grosse job, un bon travail sur ce point-là. Et hey, puis, bon, présentement, tu étudies à l'université en service social. Oui. Je ne cacherai pas qu'on ne le voit pas souvent. C'est un des champs d'études qui m'a le plus surpris, souvent avec Mathieu Brassard dans le temps qui étudiait en enseignement primaire. qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans, service social? Mais moi, je suis une personne qui aime les sciences humaines. J'aime les gens, j'aime ça aller vers les gens, j'aime ça aider les gens aussi. Puis, je pense que c'est ça qui m'a amené. Mais avant, j'ai étudié en sciences politiques aussi. J'ai un certificat en sciences politiques. Puis, c'est me conscientiser sur qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est au cégep, j'ai commencé par la sociologie. Puis, j'ai commencé, comme tu vois des affaires comme la société duale. Tu vois que il y a beaucoup de travail à faire en société. C'est pas évident. Pour le reste, c'est pas évident. Il y a beaucoup de richesses, puis les premiers qui sont arrivés, ils ont pris toutes les richesses, puis après le reste, vous débrouillez, qu'est-ce que vous débrouillez, puis, tu sais, mais, j'ai vraiment une conscience sociale, puis j'aime aider les gens. J'ai des amis souvent, là, il y en a qui m'appellent, ah, tu fais mon papa, mais je fais pas mon papa pour rien, tu sais, c'est pour t'aider, pour pas que tu fasses les mêmes erreurs que j'ai faites, tu sais, des fois. Parce que des fois, c'est plus facile de parler, mais tu te vois pas, des fois, c'est pas évident de voir, puis voir qu'est-ce que tu fais. C'est pour ça que des fois, c'est plus évident d'aider les autres, tu sais. Puis toi, des fois, tu te mets dans des problèmes, mais les autres les aident, tu sais. J'étais un peu un gars comme ça. D'abord, c'est un peu pour ça que j'ai été dans le service social. Puis aussi, pour le fait, ben, je connais beaucoup de personnes aussi qui ont des enfants un peu pas à problème, mais tu sais, ça a pas été évident, tu sais, les élever. Puis, en tout cas, moi, j'ai été élevé assez rough, là, tu sais. C'est pas facile. Tu sais, il y en a qui ont jamais eu de table dans leur vie, mais moi, des tables, j'en ai eu en masse, puis en masse. Puis, je fais même pas mes parents. Pour de vrai, moi, j'ai pris, ça m'a endurci. Ça m'a vraiment endurci. C'est vrai, parfois, ça fait un débat de société, des affaires de bas des enfants, blablabla. Mais moi, j'ai pas eu facile. Puis, je suis très fier. Puis, ça, non, dans le fond, c'est un peu pour ça que je veux redonner, puis donner ma façon de voir les choses aussi, là. Ce que t'as appris, un peu le partager avec les autres. Exactement, ouais. Puis là, écoute, c'est ta dernière année à Laval. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi après? Ouf, pour le reste, je sais pas. Au début de l'année, j'ai parlé que peut-être que je voulais aller faire un petit tour en Europe, au moins jouer peut-être un an pro, là-bas, avec un certain contact, là, mais on en regarde ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres opportunités. Il y a plusieurs choses, là, Je sais pas vraiment. C'est, pour le vrai, c'est, il y a la GRC qui m'intéressait pour devenir comme officier, mais c'est ça, on explore encore. Mais là, je veux maximiser mon année, puis finir mon football, puis après, là, c'est ça, je vais avoir plus de temps, puis réfléchir, puis voir où est-ce que vraiment je veux m'en aller, puis qu'est-ce que je veux faire plus tard. Fait que vraiment, aider les autres, ça va être un peu... On sait pas encore où, mais ça va se diriger vers ça. Ça va se diriger par ça, parce que même enseignant, il y a des choses que j'ai envie de faire. Il y a des choses aussi que pour de vrai, j'ai envie de leur donner, mais c'est pas évident, parce que quand tu vois, tu sais, je vois souvent qu'il y a pas... Ils donnent pas beaucoup de ressources, parce que maintenant, les parents, ils ont plus le temps d'élever leur enfant, ils travaillent tout le temps, il faut qu'ils amènent de l'argent à la maison. Puis là, les parents demandent, ils espèrent que les professeurs élèvent leur enfant, mais... C'est demandé beaucoup aux professeurs, là, souvent. Donc, c'est pour ça que parfois, je me pose des questions, puis je veux faire le bon choix, parce que, tu sais, le système est fait comme il est, tu sais, on peut pas, tu sais, se plaindre, mais il fait comme il est. C'est sûr, il y a place à beaucoup d'améliorations, mais c'est ça que, dans le fond, je regarde un peu stratégiquement. Dans le fond, je fais un choix stratégique, dans le fond. C'est ça que j'essaie de faire. Hey, la question kitsch un peu. Tu penses-tu rester à Québec ou tu veux retourner peut-être à Montréal ou bien complètement sortir de la province, aller ailleurs, voyager ou... J'aurais aimé ça voyager pour aller faire un petit tour en Europe puis voir d'autres choses aussi. Parce que l'athlétisme m'a fait voyager beaucoup, là. Mm-hmm. J'ai fait beaucoup de place en Amérique du Nord, là. Ben, plus en Amérique du Nord, ouais. J'ai fait beaucoup de place, même aux Caraïbes aussi. Ça m'a fait beaucoup voyager, j'ai vraiment aimé ça. Peux-tu me poser encore le reste de la question, là? Parce que j'ai perdu. Où est-ce que, après le football, où est-ce que tu veux t'installer? Ok. Oui, à Québec ou Montréal. Ouais, c'est sûr qu'au début, quand j'arrivais à Québec, là, je me suis dit, dès que je finis mon foot, là. Je m'en vais d'ici, là. Tu sais, j'aime ça. C'est sûr que ça fait un peu entre Montréal, mais tu sais. J'aime de plus en plus ça. C'est plus tranquille. Mais j'adore Montréal aussi, là. T'sais, tout mon monde est là. Ma famille est là. Beaucoup d'amis qui sont là-bas aussi. T'sais, c'est sûr que c'est une place que je veux revenir puis que je veux vouloir habiter. Mais s'il y a une opportunité de carrière à Québec, on pourrait regarder ça. Tout dépendant. C'est peut-être si une copine me tombe du ciel. Ah, puis il y en a des belles à Québec. Il y en a des très belles. Je n'irai jamais. Il y a de très belles filles à Québec. Et puis avant de terminer, aussi, on parlait de l'athlétisme. Peu de gens savent que tu as couru souvent le 110 mètres haies. Ouais. Un gars de 5 et 10, est-ce que tu passais en dessous ou par-dessus? 5 et 7, excuse! Ouais. Par-dessus, parce que j'ai commencé à avoir des problèmes quand je me suis rendu senior. Senior, c'est la catégorie que tout le monde court. Dans le fond, quand tu es rendu à 21 ans, je sais pas si je donne une fausse information, mais c'est dans ce coin-là, tu es senior. Puis à junior, tout allait bien. Junior, c'est 3 pieds 3, dans le fond 39 pouces de haut. Ouais. Tout allait bien. Là, je mangeais les haies. Tu sais, je passais à ras la haie, là, mais tout allait bien. Mais à 42 pouces, là, je commençais à sauter. Je sautais. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à faire du 400 mètres. Mais 400 mètres, j'ai toujours fait les deux, dans le fond. Okay. 300-400 mètres, puis dans le fond, là, je me suis vraiment concentré sur 400 mètres. Puis c'est pas ça que je voulais faire... Parce que les entraînements sont vraiment durs. Ils sont vraiment durs, là. C'est pas facile. Des fois, des entraînements de 10 fois 400 mètres. Des fois, des entraînements de 600, 500 mètres. 800, des fois. Je suis pas un gros fan de longue distance. Moi, c'est un peu middle distance. Mais longue distance, des fois, là, j'ai un peu de misère. Puis là, t'as eu un choix à faire maintenant entre le football et l'athlétisme. Faut dire à Sherbrooke, l'année que j'ai été là-bas, j'ai fait les deux, mais ça a pas bien été. J'étais vraiment là, après la saison, j'étais vraiment magané. Donc, j'ai fait la saison d'athlétisme, mais je me suis claqué une couple de fois. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré, là, je me suis dit, je veux rester au football. Ce que j'aime avec le football, c'est que tu peux jouer à une certaine mesure blessé, des fois. Tu peux jouer blessé. En athlétisme, là, moindrement, tu sens que ça tire à l'ischio-jambier. Stop it. C'est pour ça que on dit que souvent on niaise, ben je niaise un peu des fois pour dire oh, l'athlétisme c'est un sport de petits faibles, mais dans le fond c'est juste que tu fais attention, tu fais plus attention à tes muscles, mais au football tu peux toujours t'arranger pour pouvoir jouer une partie malgré que t'es blessé ou t'as quelque chose qui va pas. Et puis plan de match pour le reste de la saison, outre la Coupe Vanier encore? Ouais, c'est sûr, c'est un sport d'excellence. Moi quand on dit, pour moi c'est un sport d'excellence, puis le but c'est tout le monde se bat pour la coupe qui se tient en haut. Mais dans le fond, nous, c'est de continuer, puis il n'y a plus d'en pédale. Tu sais, c'est comme mon coach dit, la pédale dans le métal. Ça m'a fait rire quand il a dit ça. Ah, oh, pédale dans le métal. Ah, oh, OK. C'est no speed limit. C'est ça, qu'on dit un peu. Il faut continuer parce que, en tout cas, moi, c'est ma dernière, puis je m'arrêterai pas là. C'est juste, je joue mon 12e le mieux que je peux, puis je vais te donner mes meilleurs shows possibles. Si t'avais un mot de stratégie à dire au 13e joueur qui joue avec vous autres à toi et matchs locaux, arrêtez pas de crier. Merci beaucoup, hey, puis bonne fin de séjour à Laval, puis bonne fin de saison. Je te remercie beaucoup, ça m'a fait plaisir.